Mon cœur est tombé en panne. Mon cœur est tombé en panne. Sa mère j'ai la poisse. Grossiste est tombé à pâte. Vu que X a décidé plus tard de passe. J'en ai touché 10 kg. Nouveau tampon, nouvel arrivage. Ça sent la frappe d'en bas à l'étage. C'est pas du café dans le sac à Adidas. Toi, essaye, on est plein. Faites d'armes devant chez Watt. Détecteur de proie, redoutable devant tes boss. Tantôt j'ai ma tocard, je passe devant le code. J'ai une big quicheta dans ma sacoche. Tantôt j'ai un petit chla, tantôt j'ai le code. Billet couleur pistache, calé dans le froc. Avant j'avais rien, aujourd'hui j'ai tout. Avant je te connais toi, moins de gens me rendaient fou. Je parle que pour les miens, le reste débrouillez-vous. Avant j'avais rien, rien, je rêvais d'avoir tout. Je salis, je me lave les mains, je suis niqué, ça fait du bien. C'est la crime qui s'ennuie chez moi, qui m'ont bien réveillé dès le matin. Je salis, je me lave les mains, je suis niqué, ça fait du bien. C'est la crime qui s'ennuie chez moi, qui m'ont bien réveillé dès le matin. Si un jour tu sais plus comment faire, dis-toi faut jamais fuir et affronter en face. Regarde comment j'encule la merde, je la prote, c'est ce que j'ai crié sans avoir de mal. Si ça m'intéresse, je reviens vers ta propale. J'ai la frappe du pied droit à David Beckham. Si je cherche au B3, je suis sur une bécane. Je vais me tirer une arrivée, faut que je mette les gaz. Viens dans ma zone si t'es chaud, si t'es calme. Je vais te montrer que le rap t'a à part. Je suis 10 fois plus malade que tous les miens. Les miens sont encore plus malades que moi. Tiens, il paraît que des fois je laisse traîner des cartouches dans l'armoire. Mon ami, on fait un bordel, y'en a qui vont admettre des ardoises. Quand on a des bastos gauche à droite, on fait plus de bastons, on prend ta chasse. T'es bien caché, t'as de la chance. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Avant j'avais rien, aujourd'hui j'ai tout. Avant je te connais toi, moins de gens me rendaient fou. Je parle que pour les miens, le reste débrouillez-vous. Avant j'avais rien, rien, je rêvais d'avoir tout. Je salis, je me lave les mains, je suis niqué, ça fait du bien. C'est la crime qui s'ennuie chez moi, qui m'ont bien réveillé dès le matin. Je salis, je me lave les mains, je suis niqué, ça fait du bien. C'est la crime qui s'ennuie chez moi, qui m'ont bien réveillé dès le matin. Je salis, je me lave les mains, je suis niqué, ça fait du bien. C'est la crime qui s'ennuie chez moi, qui m'ont bien